Merci Madame, Monsieur de nous rester fidèles. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Des politiques se dressent contre l'insécurité dans différents endroits de la ville de Bujumbura, emportant la vie des populations innocentes. Des enquêtes minutieuses devraient être menées pour identifier les vrais auteurs de ces attaques. Dans la ville de Rumonge, on parle des coûts élevés sur les pâtes de farine. C'est un fardeau selon les consommateurs. Début ce mardi de la campagne de récolte et d'usinage de la canne à sucre à la Sosumo. Vous l'entendrez et la chronique de ce mardi nous parle de la conservation des médicaments. Des précisions, c'est dans cette édition mise en ordre par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice pour débuter cette édition. Un emprisonnement à vie et le paiement d'un dédommagement moral de 15 millions de francs burundais à la famille du défunt. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza contre trois hommes accusés d'avoir tué un homme de la colline Nyamukona en commune Kabarore. C'était vendredi dernier. Le corps a été retrouvé dans la rivière de Kanyaru. Au cours d'un procès de flagrance à l'après-midi de ce lundi, les accusés ont plaidé non coupables. Le point avec Patrick Senghiouvre. Dans son procès de flagrance de ce lundi, les accusés étaient trois hommes qui jouent le rôle d'informateurs en cas de fraude des minerais à Kabarole et qui ont été engagés dans ce travail par l'un des opérateurs économiques en cette commune opérant dans le secteur minier. L'officier du ministère public à Kayanza a fait savoir que l'un de ces trois hommes, qui est d'ailleurs le chef du groupe, était le cerveau du crime et que les deux autres sont accusés de la coopération directe dans cet assassinat. Il a également indiqué que les résultats de l'expertise médicale ont révélé que les blessures corporelles qui sont remarquées sur le corps de la victime au niveau du visage était dû au coup qu'il avait reçu de ces hommes qui l'ont poignardé à l'aide des armes blanches semblables aux lances. Les accusés ont plaidé non coupables, expliquant que la victime serait emportée par la noyade quand il était à la recherche d'un sac déminé de type Colombo Tantarite qu'il voulait acheminer frauduleusement au Rwanda, pays voisin. Des témoins qui étaient présents dans le marais de Kanyaru quand le crime avait eu lieu et qui avaient aussi participé à cette audience publique de ce lundi ont accusé aussi ces trois hommes qui sont des auteurs du crime de cet homme de la colline Nyamukona. Le procureur de la République à Kayanza a accusé ces trois hommes d'assassinat et a demandé qu'ils soient punis d'une peine carcérale à perpétuité. Après la mise en délibéré du procès, le TGI Kayanza a indiqué que les accusations de l'officier des ministères publics à Kayanza contre ces hommes sont fondées et a puni ces hommes d'une peine carcérale à perpétuité et le paiement d'une amende de 15 millions qui sera octroyée à la famille de la victime. Depuis Kayanza, Patrick Essay pour la radio Isanganiro. Parlons encore justice, le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive après sa comparution en date du 6 mai de cette année. Sa défense compte interjeter appel. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril cette année. Il est poursuivi pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril de cette année et venait de répondre un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduiman a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a mis l'audience au 16 juillet de cette année pour cause. Son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté pour l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. La société sucrière de Mosso Sosumo en sigle n'est pas au bord de la faillite comme certains le pensent. C'est du moins ce que déclare l'administrateur et directeur général de cette société ce mardi. Cette autorité ne nie pas qu'une partie des plantations de canne à sucre a été victime des aléas climatiques que le pays a connus, mais il tranquillise que les préparatifs de la prochaine campagne vont bon train et sont à 85%. Parlons sécurité politique. Le parti AND Nhadohoka regrette le jet des grenades dans divers endroits de la capitale Bujumbura, y compris sur les parkings de bus en plein centre-ville. La semaine dernière, le président de ce parti, Gaspard Kobako, a parlé des tueries injustifiées faites à l'endroit des populations innocentes. Pour lui, la vigilance devrait être renforcée de toutes parts pour traquer et traduire en justice les auteurs de ces attaques. On l'écoute. Nous interprétons cela comme une situation qui ajoute le drame au drame. La population burundaise, de manière générale, connaît des problèmes multiformes. Entre autres problèmes, il y a pénurie de carburant. Et laquelle pénurie de carburant augmente tous les autres prix, y compris le prix du transport. Et les gens ont des difficultés à pouvoir se déplacer. C'est déplorable, c'est regrettable que des malfaiteurs se livrent à un jet de grenade pour tuer des innocents. Dans des bars, c'est regrettable et condamnable que des gens soient assassinés dans des lieux publics, comme les églises, comme cela s'est passé au nord de la capitale économique de Bujumbura. C'est regrettable et condamnable que cela se produise aussi dans des parkings, comme sur l'ancien marché central de Bujumbura. Ces tueries aveugles ne peuvent en aucun cas être justifiées pour quelque motif que ce soit. Ceux qui font ces attaques, ce sont des criminels, ce sont des malfaiteurs. Et il faut les prendre comme tels. Parce qu'une revendication, si une revendication il y a, ne peut pas passer par des tueries aveugles, des populations innocentes, parmi lesquelles se comptent peut-être les cousins, les enfants, les tantes, les papas et les mamans, et les oncles. Au niveau des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement, la vigilance devrait être renforcée, et même du côté de la population en général, pour traquer ces malfaiteurs, pour les appréhender, il est traduit en justice. Et du côté du parti MRC Rurenzangemero, cette insécurité serait liée à des raisons en rapport avec la situation économique actuelle dans le pays. Pour le professeur Juvenal Ngogwa Nubusa, il faut également des enquêtes minutieuses pour enfin révéler l'identité de ceux qui seraient derrière ces attaques. Et pour asseoir une paix durable, le professeur Ngogwa Nubusa estime qu'il devrait y avoir un dialogue entre le Burundi et ses différents partenaires, y compris les pays voisins. On l'écoute au micro de Francine Deokugayo. Regardez au niveau de la paupérisation de la population. Ni sucre, ni carburant, ni produits Burundi. Et avec ça, on continue à dire que tout va bien, qu'il y a sécurité. C'est aussi la sécurité sociale, alimentaire, tout ça fait partie de la sécurité. Il suffit donc d'accepter les faits. Et quand on les a acceptés, d'accepter également les moyens pour y faire face. Il n'y a pas plusieurs moyens, c'est le dialogue et la concertation. Pour revenir sur l'insécurité par les grenades qu'on voit par-ci, par-là, il est un peu paradoxal qu'aujourd'hui, le président d'un pays voisin est reçu en grande pompe à Bujumbura, son épouse également, et que quelques jours après, c'est ce même pays qui est accusé de tous les maux. Et quelque part, si on allait sur une table de négociation, il y aurait moyen de voir comment négocier une paix durable entre les voisins et surtout d'éviter de prendre un parti contre un autre lorsqu'il y a des conflits entre pays voisins. Moi, je pense que c'est la seule solution. C'est le dialogue, ce sont les vertus de l'institution de Bashingla qui a toujours aidé le Burundi à se tirer d'affaires qui doivent être de nouveau mises en place. Parlons agriculture à présent. Dans la ville de Rumonge, on parle de hausse des prix pratiqués sur les pâtes de farine de 100 à 300 francs burundais la pièce depuis lundi. Les vendeurs expliquent que les prix d'achat ont été revus à la hausse au moment où les boulangers parlent du coût élevé de production. Les consommateurs qui se sont exprimés voudraient que le gouvernement burundais fasse tout pour alléger leurs souffrances. Le point avec Jean-Pierre Misago. À partir des beignets ou pains qui se vendaient auparavant à 500 francs burundais la pièce, une hausse de 100 francs burundais à 300 francs burundais a été appliquée à partir de ce lundi dans la ville de Rumonge. Les détaillants, en même étant gestionnaires des cafétérias interrogés, parlent d'une hausse consécutive à la hausse des prix à l'achat. De leur côté, Les boulangers évoquent le coût élevé des matières premières comme cause de cette hausse. En effet, au gros, un seau de 10 litres d'huile utilisé dans la fabrication des beignets vient de grimper de plus de 10 000 francs burundais. Un sac de farine passe de 85 000 francs burundais à 100 000 francs burundais en moins de 2 semaines. Pendant ce temps, le sel de cuisine, réputé comme un produit dont le prix varie très peu, passe de 22 000 francs burundais à 40 000 francs burundais et même plus, un sac de 25 kilos au moment où le sucre est pratiquement introuvable. Interrogé à propos de cette hausse, certains grossistes préfèrent ne pas s'exprimer. D'autres parlent de la dévaluation de la monnaie burundaise par rapport au shilling tanzanien. Pour certains consommateurs, le gouvernement burundais devrait tout faire pour maîtriser cette hausse des prix qui se généralise. Selon certains détaillants des pains et beignets, leurs fournisseurs n'avaient pas presté ce dimanche pour se convenir sur les nouveaux prix à pratiquer. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Parlons encore agriculture, cette fois-ci en province Gitega. Certains agriculteurs de la colline Rutegama dans la zone Gitega rurale, en commune et province Gitega toujours, se plaignent que la récolte du haricot risque de diminuer suite aux escargots ayant attaqué leurs champs et regrettent qu'aucun agronome ne leur a montré comment faire face à ces rongeurs, ce que confirment les administratifs à la base. De son côté, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega appelle les cultivateurs à se confier aux moniteurs agricoles disponibles sur chaque colline. Le point avec Arthur Kavaouchi. Nous sommes à la colline Rutegama, dans la zone de Gitega rurale, où les cultivateurs apprécient en général positivement la récolte du haricot, comme le dit cette femme. Je trouve que la récolte des haricots est bonne pour ceux qui ont planté à temps, même pour ceux qui ont tardé. Nous sommes confiants et personne ne se lamente. Celle-ci trouve que cette récolte ne sera pas comme il le souhaitait à cause des escargots qui ont attaqué les champs et qui n'ont pas pu trouver de l'aide des moniteurs agricoles et leur demande de bien protéger leurs champs. La récolte des haricots pour cette année, il y a une amélioration par rapport à l'année passée. Mis à part le problème d'escargots que nous rencontrons dans cette localité, je ne trouve pas d'agronome. Ce que je demande, c'est que comme ils ont la tâche de suivre nos cultures, ils devront approcher la population pour voir comment elles s'occupent de leurs champs. Même les administratifs à la base sur cette colline disent qu'ils n'y voient aucun agronome. Ruben Nichineretse est conseiller collinaire sur cette colline. La récolte de cette année est bonne, mais ces escargots ont essayé de ronger nos cultures. Nous demandons aux moniteurs agricoles de nous approcher et qu'on leur montre où ils sont et de les faire disparaître. Oscar Wikunda, directeur provincial de l'agriculture, lance un appel aux cultivateurs que chaque colline dispose d'un moniteur agricole et que c'est à eux de l'approcher. Je lance un appel aux agriculteurs que le moniteur agricole est un par colline. Alors, si le cultivateur a besoin de quoi que ce soit ou s'il y a une maladie dans son champ, ce n'est pas nécessaire d'attendre l'agronome. Plutôt, l'agriculteur doit l'appeler et s'il ne trouve pas de solution, il nous le dit et nous cherchons des solutions. Au sein de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, ils sont satisfaits que la récolte du haricot sera bonne. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé.